الحمد لله الكبير المتعال الواحد القهار العزيز الغفار ذو العز والجلال غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير والصلاة والسلام على الضحوك القتال على من علمنا العز والفداء ومقاتلة الأعداء والسير في ضرب الشرفاء محمد بن عبد الله إمام الأتقياء ورضي الله عن الصحابة الأقوياء الذين قاتلوا من خالف الحنيفية السمحاء ولو كان من أقرب الأقرباء وانطلقوا مهاجرين في البر والصحراء وقدموا برهانا لذلك الأشلاء والدماء وفتحوا الأمصار تلو الأمصار ليعبد الناس رب الأرض والسماء أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار لفخار للشيخ في الله أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله on se rencontre durant cette soirée pour parler d'un sujet très important qui représente un asl, une base de l'islam. Ala wa huwa mutaba'atu an-nabi alayhi salatu wa salam. Le fait de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Comme il a dit, Cheikh l'islam, comme quoi cette religion elle est bâtie sur deux bases, sur la sincérité et sur le fait de suivre les enseignements et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Qala subhanahu wa ta'ala وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ Allah Azza wa Jal a dit, il ne parle pas de lui-même, mais c'est une révélation qu'on a fait descendre sur lui, alayhi sallallahu alayhi sallam, en parlant du prophète alayhi sallallahu alayhi sallam. وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ Comme ça a été rapporté par Abu Daoud, le prophète alayhi sallallahu alayhi sallam, il a dit, certes, j'ai reçu le livre et ce dans quoi il lui ressemble avec, c'est-à-dire la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Et ce dans quoi le prophète alayhi salatu wassalam vous apporte, prenez-le, et ce dont il vous interdit, donc abstenez-vous de le faire. كما جاءت الآية في سورة الحشر وقال سبحانه وتعالى في سورة النساء ومن يطع الرسول فقد أطاع الله et celui qui obéit au prophète عليه الصلاة والسلام celui qui obéit au prophète il aura certes obéi à Allah et parmi la base parmi les bases de أهل السنة parmi les bases de أهل السنة c'est-à-dire les bases de l'islam, c'est que on va pas à l'encontre de la sunna du prophète alayhi salam en faisant marcher et en réfléchissant avec nos cerveaux et en faisant marcher le cerveau. Comme Ali radiallahu anhu arda, il a dit, si la religion on l'apprend en faisant marcher notre cerveau, l'essuyage du khouf, l'essuyage qu'on fait en fait quand l'essuyage lorsque il fait froid, l'essuyage serait fait par le bas du pied que par le dessus. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comme quoi l'essuyage se fait par-dessus les pieds et non pas en dessous du pied. Donc la logique, si on fait marcher le cerveau, c'est que l'essuyage se fait par le dessous du pied, car c'est le bas du pied qui touche le parterre. Mais le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comme quoi on essuie les deux mains en même temps, en les passant par-dessus le pied. Donc ici, on ne prend pas la religion en faisant marcher notre cerveau, mais on suit la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il a dit Ibn Mas'ud, radiallahu anhu wa arda, ittabi'u wa la tabtadi'u, faqad kufitum. Et suivez et arrêtez d'innover. On vous a donné assez de preuves. On vous a donné assez de preuves. وقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال سبحانه: C'est nous qui avons fait descendre l'invocation et c'est nous qui la protégeons. Ici, هذا نحن للتعظيم ولا للكثرة. Donc ici, Allah Azza wa Jalla dit: C'est nous qui avons fait descendre l'invocation. Et ici, l'invocation, comme ils ont dit, Al-Mufassirin, comme ils ont dit, Al-Mufassirin, Ahlul Ilm, ils ont dit que Al-Dhikr, bi-ijma', huwa al-kitab wa al-sunnah. Ici, quand Allah Azza wa Jalla a dit, et c'est nous qui avons fait descendre l'invocation, ils ont dit que si l'invocation regroupait le Coran et la Sunna. Donc, le Coran, mahfoud, il est sous la protection d'Allah Azza wa Jalla, min al-tahrif, wa ziyada wa al-nuqsan. Et la Sunna aussi, elle est protégée. La Sunna, elle est protégée. Personne peut la changer ou la modifier. Elle est protégée telle qu'elle est depuis l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam. Elle sera comme ça jusqu'à la fin des temps, bi-idhnillah. Et comme on a vu, comme quoi on va pas à l'encontre de la Sunna en faisant marcher nos cerveaux, en faisant marcher notre intelligence, et dire comme quoi on est à une époque où c'est plus pareil. Non, la religion est complète. La religion est complète et on n'a pas besoin de rajouter. On n'a pas besoin de rajouter. Et vous avez l'histoire de Imran ibn Hussein, radiyallahu anhu wa arda. Il était avec un rahat. Un rahat, c'est Madoun al-Ashara. Il était avec un groupe de personnes qui ne dépassaient pas les dix personnes. Et parmi eux, il y avait Bishr ibn Ka'b. Il y avait une personne qui s'appelait Bishr. Bishr ibn Ka'b. فقال عمران بن حسين رضي الله عنه وهو يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير وفي رواية الحياء خير كله فقال بشر بن كعب إنا نجد في بعض الكتب والحكمة أن منه سكينة ومنه وقار لله ومنه ضعف فغضب عمران بن حسين رضي الله عنه حتى احمرت عيناه وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه فأعاد العمران الحديث. Donc ici Imran ibn Hussein, il était avec des personnes, il était en dessous d'un nombre de 10, Ar-Rahd. Donc il a dit: la pudeur ne ramène plus du bien. Et dans une riwaya, la pudeur n'est que du bien. La pudeur n'est que du bien. Et Bishr, il y avait Bishr ibn Ka'b, il a dit: mais on trouve dans certains livres qu'il y a une sagesse et que fihi waqar, il y a un respect et que c'est un bon comportement envers Allah Azza wa Jal. Et qu'il commence à citer plein de critères qui sont bons. Et Imran ibn Hussein radiallahu anhu, il s'est énervé jusqu'à ce que ses yeux sont devenus rouges. Il lui a dit: je te parle du hadith du prophète alayhi sallatou salam et toi tu me racontes ce qu'il y a dans tes livres. Je te parle du hadith du prophète alayhi sallatou salam et toi tu me parles de ce qu'il y a dans tes livres. Ici, il a sahha le hadith, فهو مذهبي كما قال الشافعي وابو حنيفه. Ici, comme Abu Hanifa il dit, si le hadith il est authentique, c'est mon madhhab. C'est mon madhhab, c'est mon école. On regarde pas le dire de tel cheikh ou de tel cheikh. On regarde le hadith s'il est authentique et on a une autre chose, c'est husnul istidlal. C'est-à-dire que il faut apposer et mettre ce hadith et le mettre par rapport à la situation dont il est question. Donc on regarde si ce hadith va en adéquation avec la question. هذا هو المنهج. هذا هو المنهج. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رأى النبي عليه الصلاة والسلام في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتاب. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أصبت كتابا حسنا من كتب التوراة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. وقال سبحان الله، Le prophète alayhi salatu wa sallam était avec Omar, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa ardah. Il a dit, Ya Rasulallah, j'ai trouvé un livre. Hein? J'ai trouvé un livre qui est bon, qui est bien. Fihi fawa'id. Donc il y a pas mal de choses qui sont intéressantes dans ce livre. C'est un livre de qui est de la Torah. Min kutubi at-Tawrah. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il s'est énervé. Regardez, le prophète il s'est énervé. Et il a dit, il a parlé à Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il lui a dit, أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَبْنَ الْخَطَّابِ أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَبْنَ الْخَطَّابِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاء نَقِيَّةِ وَلَوْ كَانَ وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي. Ici le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit, franchement, je suis venu, il a dit, est-ce que tu doutes encore, يَبْنَ الْخَطَّابِ. Est-ce que tu doutes, ô fils de Khattab, que par celui qui détient mon âme entre ses mains, je suis venu avec blanche, propre, et si Moussa était encore vivant, il aurait pas eu le choix que de me suivre. Il aurait pas eu le choix mais que de me suivre. Regardez le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, regardez comme il s'est énervé quand Ibn Khattab, radiallahu anhu, il a dit ça. Il a dit, j'ai ramené une sunna qui est claire, nette, propre, bayda, naqiyya. Et on entend souvent certains prédicateurs, certains khutaba, quand ils commencent leur prêche, disent, وَتَرَكَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَى هَذِهِ الرِّوَيَةِ شَاذَّةِ وَالْقَوْلُ الصَّحِيحِ تَرَكَنَا عَلَى الْبَيْضَى أَوْ تَرَكَنَا عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَى. D'accord. On entend certains prédicateurs disent, il nous a, et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé sur une preuve qui est tout à fait blanche. Non, le dire qui est exact, il nous a laissé sur la riwaya, la version qui est authentique, c'est il nous a laissé sur quelque chose de blanc, hein, de nuit comme de jour. هذه الرواية الصحيحة. D'accord. Donc ici, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est énervé. Il s'est énervé. Donc, et subhanallah, regardez dans la parole d'Allah Azza wa Jal, fi surat al-Hujurat, qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Donc ici, Allah Azza wa Jal a dit dans surat al-Hujurat, « Oh, vous qui avez cru, ne levez pas votre voix par-dessus celle du prophète. Et ne soyez pas vulgaires avec la parole comme vous l'êtes entre vous. »« La tajharu lahu bil qawl. »« An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. » Vous risquez de anéantir vos actions sans que vous le sentez. Sans que vous le sentez. Donc, ici, Ibn Qayyim, rahmatullahi alayhi, dans son livre, A'lamul Muwaqqi'in, il a dit, si le fait de lever, subhanallah, des paroles en or, écoutez bien, il a dit, si le fait de lever la voix, par-dessus la voix du prophète, alayhi salatu wassalam, était une cause, pour que les actions soient anéanties et réduites en poussière, qu'est-ce qu'on dirait de ceux qui avancent leurs avis sur la vie du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et qui avancent leur intelligence sur celle du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et qui avancent leur passion sur celle du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et qui avancent leur politique sur celle du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et qui avancent leur connaissance par rapport à ceux dans quoi le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Est-ce que leur action ne sont pas dignes d'être anéantis et réduits en poussière. Subhanallah. Qu'est-ce qu'on dirait de ceux qui changent, qui suivent une autre guidance de celle du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ceux-là, leur acte, ne sont pas réduits en poussière. Allah salama wa al-afiyah. Et Allah azza wa jalla a dit dans un autre verset, c'est surat al-Ahzab, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Et Allah Azza wa Jalla dit, et il n'est pas autorisé à un croyant ou une croyante, une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur décision. Une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, tu n'as plus le choix dans tes décisions. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans un autre verset, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Allah عز وجل a dit dans un autre verset, il est certes que la parole des croyants, une fois que Allah et son messager les appellent à être jugés, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله, quand les croyants sont appelés à être jugés par Allah et son messager, que leur dire soit « Sami'na wa ata'na ». On écoute. Que leur réponse soit « On écoute et on suit les ordres ». Et ceux-là sont ceux qui seront sauvés. « Oulaika humul muflihoun ». Dans un hadith, l'imam Ahmad, il a dit, j'ai regardé dans le Coran. Nazartu fil mushaf, fawajadtu ta'ata ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi 33 mawdi'a. Thumma ja'ala yatlu, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adhabun alim. Faqal, وتدري ما الفتنة الشرك لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلك. Ici Imam Ahmed il a dit, j'ai regardé dans le Coran et j'ai trouvé que l'obéissance au prophète alayhi salatu wassalam a été mentionnée 33 fois. Elle a été mentionnée dans le Coran, puis il a cité la parole d'Allah Azza wa Jal, que fasse attention ceux qui vont à l'encontre de ces ordres, qu'ils soient touchés par une fitna ou qu'ils soient touchés pour un terrible châtiment. Regardez le verset. Puis il a dit, est-ce que tu sais c'est quoi le fitna? Est-ce que tu sais c'est quoi le fitna? C'est la mécréance. Al-shirk. La'allahu idha radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi shay'un min al-zikr. Certes, s'il va à l'encontre d'un dire du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, son cœur tombe dans al-zikr. فيزيغ قلبه فيهلك. D'accord. Et si le fitna c'est shirk, comme Allah Azza wa Jalla dit, قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Combattez-les jusqu'à qu'il n'y ait plus de fitna. Et si, comme il a dit Ibn Abbas, plus de shirk, et que la religion soit entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans un autre verset, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Allah Azza wa Jal jure par lui-même subhanahu wa ta'ala qu'ils seront jamais croyants jusqu'à ce qu'ils te fassent juger sur les conflits qu'il y a entre eux, puis ils ne trouvent pas une rancune au fond d'eux et ils se soumettent à tes ordres avec une totale soumission. هذا هو المؤمن. هذا هو الذي يتبع أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. Puis Ibn Kathir rahimahullah alayhi, il a commenté ce verset, il a dit يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في حتى لا يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع الأمور فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة. Donc ici Ibn Kathir rahmatullah alayhi, il a dit que Allah Azza wa Jal jure par lui-même subhanahu wa ta'ala que ils seront pas croyants jusqu'à que il te fasse juger sur tous les affaires, qu'il te fasse juger sur tous les affaires, toutes leurs affaires. Kul shay. D'accord? Ils se soumettent à cela avec une totale soumission, sans qu'ils vont à l'encontre et sans qu'ils repoussent tes ordres. Donc, هذا في تفسير ابن كثير رحمة الله عليه. وقال الأوزاعي رحمة الله عليه: عليك بآثار من السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. أوزاعي رحمة الله عليه تجي: je t'ordonne de suivre le منهج des سلف. Je t'ordonne عليك. Ici c'est un ordre. Comme il dit le prophète عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي. عليك بمن مات. Comme il dit ابن مسعود: إن كنت مستنا فاستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يسوسي الأوزاعي رحمة الله عليه تجي: عليك بآثار من السلف. je te recommande de suivre les pas des pieux prédécesseurs. وإن رفضك الناس، et même si les gens te refusent, même si les gens te repoussent, suis la sunna des salaf. وإياك وآراء الرجال، et fais très attention aux avis des hommes. Même si وإن زخرفوه لك بالقول، même si t'embellissent avec leurs paroles, même si cet avis t'embellisse avec leurs paroles, regarde la vérité en face et suis-la بإذن الله. وقال الشافعي ورحمة الله عليه: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. Ici الشافعي تجي: mon jugement par rapport à ceux qui font marcher leur cerveau, que c'est de les taper, c'est de les taper avec des sandales, avec Al-Jarid, et on tourne avec autour des tribus, et des villages, et on leur dit: voilà ce que vous méritez, et voilà la récompense de ceux qui ont délaissé le Coran et la Sunna, et ils ont fait marcher leur cerveau. وأقبلوا على الكلام. وأقبلوا على الكلام. وهؤلاء نسميهم المتكلمة. المتكلمة الذين يستخدمون عقولهم. Il faut marcher leur cerveau sans s'appuyer sur des textes tirés du Coran et de la Sunna. Et le prophète عليه الصلاة والسلام, à chaque fois, il demandait à Allah qui le dirige vers la vérité et vers le droit chemin dans son dua. Qu'est-ce qu'il disait le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Et le hadith, il a été mentionné dans Sahih Muslim. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit: إِذَا قَامَ اللَّيْلِ كَانَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا قَامَ اللَّيْلِ فَتَحَ صَلَاتَهُ. Et s'il s'est levé la nuit, il commençait sa prière par quoi? Par ce dua. Il disait: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Donc c'est un dua que le prophète عليه الصلاة والسلام faisait quand il se levait pour faire la prière nocturne. Il commençait par cette introduction. Et l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, il dit: Man alima tariq haqqa, man alima tariq al-haqqi sahula alayhi suluka, wala dalila ala al-tariq illa Allah, wala dalila ala al-tariq illa Allah, illa mutaba'at al-rasul sallallahu alayhi wa sallam, fi ahwalihi wa aqwalihi wa af'alihi, wa hada fi madarij السالكين وفي مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمة الله عليه. يسير الإمام أحمد تجي: من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه. celui qui connaît le chemin de la vérité, Allah lui facilitera le fait de prendre ce chemin. Et il n'y a pas de dalil, il n'y a pas de preuve qui mène vers Allah عز وجل que le fait de suivre le prophète عليه الصلاة والسلام dans ses états et dans ses dires et dans ses actes. Donc, le chemin qui se mène vers le prophète, c'est sa sunna, dans ses états et dans ses dires et dans ses actes. Et Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayh, comme ça a été rapporté dans Miftah Dar Sa'ada, page 85, il a dit: Man faraqa ad-dalil dalla as-sabil wa la dalil illa bima ja'a bihi ar-rasul alayhi as-salatu was-salam. Il a dit: celui qui se sépare du dalil tombera dans l'égarement. Celui qui se sépare du dalil tombera dans l'égarement. Il n'y a pas de dalil qu'avec ceux dans quoi le prophète alayhi salatu wassalam nous a rapporté. Et Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa arda, il a dit: ittabi'u wa la tabtadi'u qad kufitum. Suivez et arrêtez d'innover. On vous a assez donné de preuves. Et Ibn Mas'ud, aydan, yaqul: in kunta mustannan fastan billadhi qad mat fa inna al-hayya la tu'manu alayhi al-fitna. Et si tu dois prendre et suivre une sunna, suis la sunna de ceux qui sont morts, car le vivant au jour d'aujourd'hui, il n'est pas à l'abri de la fitna, il n'est pas à l'abri des épreuves. Donc, les ulama ou les salaf, ceux qui sont morts, c'est ceux qui sont morts sur la sunna, qui sont morts sur la sunna. Et certains sahaba, ils disaient, tant que la personne suit la sunna, tant que la personne suit la sunna, elle est sur le droit chemin. Et certains sahaba ou lit de la mort, ils disaient as-sunna wa iyyakum wal bidah. Ils étaient sur le lit de la mort, ils étaient: suivez la sunna et attention aux innovations, car les innovations, c'est quelque chose, c'est comme un poison que tu mets, comme je dis, c'est un poison que tu mets dans ton adoration, dans l'adoration. Et Shafi'i rahmatullahi alayhi, il dit: Ajma'an nasu ala man istabanat lahu sunnatu an-nabi alayhi salatu wassalam lam yakun lahu an yad'aha liqawli ahad wa hadha fi madarij as-salikin wa fath al-majid wa hadha fi kitab at-tawhid. Hadha qal les gens sont unanimes au fait que celui qui a la preuve de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam ne doit pas la laisser pour un dire de qui que ce soit. Celui qui a le chemin de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, il ne doit pas la laisser dans aucun cas pour le dire de quiconque. Même si un savant vient et te dit, si il va à l'encontre du prophète alayhi salatu wassalam et de se dire, tu ne le suis pas et tu suis la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et comme il dit Malik rahmatullahi alayhi, il dit: kullun yu'khadu min kalamihi wa yuraddu alayhi illa sahib hadha al-qabr. Ici Malik, il te dit: chaque personne, on prend de ses dires et on réfute, sauf la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Donc la parole du prophète alayhi salatu wassalam, c'est une parole qu'on ne rejette en aucun cas. Et l'imam Malik, il dit aussi dans une parole: man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna muhammad khana ar-risala li'anna allaha yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idin dina fala yakun al-yawma dina. Et ici l'imam Malik te dit: celui qui innove dans l'islam une innovation et il voit que c'est une bonne innovation, et s'il aura insisté, il aura avancé comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas transmis et il a trahi le message dont Allah l'a envoyé, car Allah azza wa jal dit: et aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion. Donc il dit: famalam yakun yawma idin dina. Donc ceux qui ne faisaient pas partie de la religion ce jour-là, fala yakun yawma dina, au jour d'aujourd'hui ne sera pas une religion. D'accord, ne sera pas partie de la religion. Ici il fait allusion quoi? Aux innovations qu'on a au jour d'aujourd'hui. Qala subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ici Allah Azza wa Jal, dans ce verset, fi sourate Al-Ahzab, verset 21, il dit: vous avez certes dans le prophète d'Allah, un bon exemple à suivre pour celui qui espère rencontrer Allah et le jour dernier et qui a invoqué Allah beaucoup de fois. D'accord? Ou l'imam Malik. Et ici, Al-Uswa. والأسوة في الآية أعظم من القدوة. القدوة c'est un guide, mais الأسوة c'est tu dois suivre le prophète عليه الصلاة والسلام, comme il l'a dit Ahmed. Tu dois suivre le prophète عليه الصلاة والسلام dans les dires, dans les actes, dans tous ses états. Alors que القدوة, la personne, tu peux la suivre dans un domaine, c'est-à-dire dans un domaine, il peut être une قدوة, il peut être un exemple dans un domaine bien précis, mais le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, tu le suis dans tous ses états, dans le combat, dans son comportement envers ses femmes, dans son comportement avec les musulmans, dans son travail, dans tous ses états, tu dois le suivre, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Malik, il te dit, As-sunnatu safinatu nuh, man rakibaha naja, wa man takhallafa anha halak. Et l'imam Malik, il te dit que As-sunnah, le fait de suivre la sunnah, est une marche. Et l'arche de Noé, celui qui prend embarquement sera sauvé, et celui qui ne prend pas embarquement, celui qui ne prend pas embarquement sera noyé. D'accord? Donc le fait de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est comme si tu prenais embarquement sur l'arche de Noé. Wa qala alayhi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amru Allahi wa hum kadhalik. Rawahu Muslim. Et ici le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, il ne cessera d'avoir un groupe dans une riwaya, Ummah min ummati, ta'ifa, ummah, isaba, zahirin, ils prendront le dessus, ils seront sans cesse sur la vérité. La yadurruhum man khadalahum, le tort de ceux qui vont à leur encontre ne leur fera pas de mal. Hatta ya'tiya amrullahi wa amkadal, jusqu'à que l'heure arrive, jusqu'à que la fin des temps arrive, et dans une riwaya, jusqu'à qu'ils combattent Al-Masih al-Dajjal, et dans une riwaya, jusqu'à qu'ils combattent Hatta Yanzila Isa ibn Maryam, jusqu'à que Isa descende, et il va descendre où? Al-Manar al-Bayda à Damasc, à Damas. Donc regardez, subhanallah, Al-Manar al-Bayda, il y a des siècles, elle n'était pas construite. Regardez, subhanallah, le prophète alayhi sallam l'avait cité dans ce hadith. Il l'avait cité. Et ça, c'est parmi les signes, هذه من علامات النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله عز وجل dit: si vous avancez comme quoi vous aimez Allah, قل, ici dit: si vous avancez comme quoi vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est certes Ghafourun Rahim et miséricordieux. Ici, Allah, si tu avances et tu prétends comme quoi tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, il faut suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Comme il a dit Cheikh Islam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, le fait de suivre le prophète alayhi salatu wassalam dans ses états, dans ses dires, dans ses actes, est une preuve comme quoi tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, huma mutalaziman. Donc, celui qui prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne suit pas la sunna du prophète alayhi salatu wassalam est un menteur. D'accord? Wa qala al-hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi, السنة هو ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أقواله وأفعاله وتقريره وما هم بفعله. Donc ici, il te dit que la sunna, c'est tout ce qui émane du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, comme dire, comme acte, comme taqrir. Yani comme taqrir, c'est une chose que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a vu et il a accepté. D'accord? Ou une chose qui avait l'intention de faire. Tout cela s'appelle sunna. Il avait l'intention de le faire. Comme at-tasi' wal-ashir fi siyam. Il a dit, si je vis jusque l'année prochaine, eh ben je ferai le tasi' et l'ashir du jeûne pour me différencier des juifs. Donc ici c'est devenu une sunna le fait de le faire. Hada et wama hamma bi fi'lihi. Wama hamma bi fi'lihi. Wallah, comme il dit Abu Darda radiallahu anhu au jour d'aujourd'hui, il te dit si le prophète alayhi sallatu wassalam sortait, si il te dit لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ما عرف شيئا مما كان عليه وأصحابه إلا الصلاة. Si le prophète عليه الصلاة والسلام dit, si le prophète عليه الصلاة والسلام sortait au jour d'aujourd'hui, il va pas reconnaître sur quoi il était. Il va pas reconnaître sur quoi il était lui ainsi que Sahaba, sauf la prière. Sauf la prière. Au jour d'aujourd'hui, les gens qui œuvrent avec l'islam sont beaucoup. Les gens qui œuvrent avec l'islam sont beaucoup, mais les gens qui œuvrent pour l'islam sont très peu. Les gens qui œuvrent pour l'islam sont très peu. Et tu dis, si le prophète alayhi salam sort, il ne reconnaîtra rien de sa sunna, ainsi que ce dans quoi les sahaba étaient, mis à part la prière. Dans l'islam, il y a quoi? Les gens s'appuient et portent attention. Attention que à la prière seulement. Donc, il y a Abu Darda radiallahu anhu, ainsi que Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu, ils ont dit, Tarakana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa ma min ta'irin fi s-sama'i yuqallibu janahih, illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma. Il a dit que le prophète alayhi sallam nous a laissé, il n'y a pas un oiseau qui vole dans le ciel sans qu'il nous a montré comment il fait pour voler. Donc le prophète alayhi sallam, il t'a tout montré, même l'oiseau, comment il fait pour voler. Il t'a rien laissé au hasard. Et comme il a dit le prophète alayhi sallam, il n'y a pas une chose qui vous rapproche du paradis sans que je vous l'ai ordonné. Et il n'y a pas une chose qui vous éloigne de l'enfer sans que je vous l'ai interdit. Allah, le prophète alayhi sallam, il t'a tout montré. Il t'a tout montré. Et le prophète alayhi sallatu wassalam, il a dit dans un hadith que Tirmidhi, et que le hadith il est dans Sahih Tirmidhi l'Albani rahmatullahi alayhi, il a dit Ya'ti 'ala an-nasu zaman as-sabiru fihim 'ala dinihi kal-qabidi 'ala al-jamr. Il a dit il viendra un temps où les gens, il viendra un temps qu'on appelle un temps de patience. Celui qui sera patient et celui qui se maintiendra à sa religion, c'est comme si il se maintenait à une braise. C'est comme s'il se maintenait à une braise dans les mains. Et dans une riwaya, يَأْتِي عَلَى النَّاسُ زَمَانٌ أَلْمُتَمَسِّكُ فِيهِ بِسُنَّتِي عِنْدَ اخْتِلَافِ أُمَّتِي قَالْقَابِدِي عَلَى الْجَمْرِ. وَهَذَا فِي السِّلْسِلَ الصَّحِيحَ لِلْأَلْبَانِي. Le prophète عليه الصلاة والسلام, il a dit, il viendra un temps où celui qui se maintient à ma sunna au moment des divergences, au moment de divergence, c'est comme s'il se maintenait à une braise. C'est comme s'il se maintenait à une braise. Wa qala Sufyan al-Thawri rahmatullahi alayhi istawsu bi ahli sunnati khayra fa innahum ghuraba. Istawsu bi ahli sunnati khayra, car c'est des étrangers. Sufyan al-Thawri te dit, prenez soin des gens de la sunna. Prenez soin des gens de la sunna, car ce sont des étrangers. Et Al-Zuhri, rahmatullahi alayhi, ce sont des tabi'in. Il a dit, Al-i'tisam bis-sunnati najah. Il a dit, le fait de se maintenir à la sunna est une sauvegarde. Le fait de se maintenir à la sunna est une sauvegarde. Et Muslim, rahmatullahi alayhi, rapporte min hadith Abu Huraira radiallahu anhu que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada fatouba lil ghuraba. Ici, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: L'islam, il a commencé comme une chose étrange et il reviendra à un temps étrange comme il a commencé. Annonce donc la bonne nouvelle aux étrangers. Annonce donc la bonne nouvelle aux étrangers. Al-Sheikh Mohamed Rachid Reda, rahmatullahi alayhi, il a dit, puis le hadith, en relatant ce hadith et en commentant ce hadith, il a dit, في الحديث بشارة بنصر الإسلام بعد غربته الثانية فكما كان بعد الغربة الأولى فكما كان بعد الغربة الأولى عز للمسلمين وانتشار للإسلام فكذا سيكون له بعد الغربة الثانية نصر وانتشار. Ici, il a dit, c'est une bonne nouvelle. Selon ce hadith, c'est une bonne nouvelle pour la victoire de l'islam après une période où il sera étrange. Une deuxième période où il sera étrange. Et il dit ensuite, comme il a été étrange la première fois, comme il était étrange par rapport à la première période où il était étrange, où les musulmans avaient la fierté et l'islam s'est propagé, il reviendra un jour comme cette première fois, avec une victoire et une propagation. Et il se répandra sur terre. Donc, Hadihi Bishara, il reviendra, bi'idnillah, avec le même état dont il était au temps du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, où il était étrange. Et on vit cette période, on est en train de la vivre au jour d'aujourd'hui. Et dans une riwaya, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qila ya Rasulallah, man il ghuraba. Ils ont demandé, sahaba, ils ont dit, qui sont ces étrangers? Faqala le nabiyu, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, الذين يصلحون إذا فسد الناس الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي لفظ يصلحون ما أفسد الناس من سنتي وفي لفظ هم النزاع من القبائل وفي لفظ أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. إذن جن رواية إذن دي كي سون سيز اترانجي البروفيت عليه الصلاة والسلام يجي سي سو كي ارانج. C'est ceux qui arrangent les choses que les gens détruisent. C'est ceux qui arrangent les choses que les gens détruisent. Et dans une autre riwaya, yuslihuna ma afsada an-nas min sunnati. Et ils arrangent les choses ils arrangent les choses de la sunna. Ils arrangent les choses de la sunna que les gens détruisent. Donc ils remettent et propagent la sunna. Et في لفظ هم النزاع من القبائل et dans une riwaya أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. Yani c'est une minorité de gens qui sont pieux dans une majorité de gens qui sont mal, qui sont pervers. من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. Yani les gens qui vont écouter ces gens qui sont pieux sont plus nombreux que les gens qui vont les écouter. من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. Les gens qui vont suivre, les gens qui suivent la sunna seront peu comparés aux gens qui vont les contrer. D'accord. وقال أبو عثمان النصابوري رحمة الله عليه من أمر السنة على نفسه قولا وعملا نطق بالحكمة ومن أمر على نفسه الهوى نطق بالبدعة قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. Ici أبو سفيان النصابوري il dit, c'est lui qui applique la sunna sur lui-même en faisant les actes et en parlant. D'accord? Il applique la sunna sur lui-même, dans ses dires et dans ses états. Il aura ainsi parlé avec une sagesse. Et c'est lui qui appliquera sur lui-même le fait de suivre sa passion, parlera avec l'innovation. Car Allah Azza wa Jal dit, et si vous l'écoutez, vous serez guidé. En parlant du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et si vous l'écoutez et si vous obéissez au prophète, vous serez guidé. Wa in tuti'uhu tahtadu. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa man yushaqiq ar-rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. كما قال الله عز وجل في سورة النساء. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السنة وأن يجعلنا من الذين يتمسكون بالسنة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.